Alors, je suis avec Sylvain Turian et on vient de finir le dernier épisode de la campagne L'Ordre est sauvage. Voilà, dernier épisode donc, qui se passe en Suisse. Et voilà, à la fin, il y avait un gros dilemme moral. Enfin, un gros dilemme moral, en fait, qui dans ma tête n'était pas un gros dilemme moral parce que j'étais persuadé qu'il y avait un choix évident et en fait, je l'ai fait. Ce scénario-là, je l'ai fait jouer, je pense, au moins 3 fois. Et à chaque fois, c'est l'autre choix qui a été fait, quoi. Donc, du coup, c'est génial parce que j'attendais pas du tout ce que vous fassiez l'autre choix. Bon, grosso modo, alors attention, spoil, hein, on va expliquer vite fait. Mais en gros, vous arrivez en. Ouais, vous arrivez en Suisse, quoi, au centre espoir, qui est une espèce de ville bunkerisée où ils essayent de lutter contre Milvaux, quoi, grosso modo. Donc une ville super high-tech et tout, un peu utopiste. Bref, et bon, bah évidemment, comme toujours, il y a un loup, quoi. Hein, c'est-à-dire que grosso modo, l'une des sages qui dirige la forteresse, en fait, a prévu de provoquer un hiver nucléaire sur toute l'Europe pour qu'on redémarre de zéro, en fait. Qu'on redémarre de zéro avec uniquement les survivants du centre espoir et les sous-génétiques végétales et animales qu'ils ont, qui auraient réensemencé comme ça, de façon saine, Milvaux, quoi. Et vous aviez le choix, grosso modo, entre la laisser faire ou entre libérer Shum-Ni-Gurath qui lui aurait pété la gueule et après vous, il y avait moyen de fuir et tout. Mais du coup, en tuant la sage, en lâchant Shum-Ni-Gurath, eh bien, on pouvait tuer la sage. Du coup, elle n'avait pas le temps de faire péter les bombes et tout. Et après, ça foutait le bazar dans le centre espoir, évidemment. Enfin, grosso modo, il y avait obligation d'évacuer le centre espoir puisque ça devenait un nid à Shum-Ni-Gurath, quoi. Et généralement, c'est cette fin-là qui est choisie par les joueurs. Et vous avez choisi de laisser la sage faire péter les bombes. Comment tu te sens? Bah moi, ça va. Je suis très très heureux qu'on ait joué cette campagne, qu'on l'ait menée jusqu'à son terme, jusqu'à un de ses termes, puisqu'il y a plein plein de fins possibles à la campagne et plein de directions possibles. Et vous, comment vous vous sentez? Eh bien, je suis content. Ah, il y a eu des... En tout cas, en tant que joueur, je suis content. Je suis content qu'on ait joué cette campagne. Je ne suis pas encore dans le fait d'être triste de ne plus y jouer et de me séparer de Erin, le personnage que j'incarne. Je pense du mal à dire au revoir. Je suis très content de la fin qu'on a choisie. On expliquera pourquoi aussi c'est celle-ci qu'on a choisie. Ouais, volontiers, ouais. Toi, ça va. Ouais, je réalise pas encore que c'est complètement Tu fini. finis. Ouais, je pense que je vais encore y penser un petit peu après. Ouais, il y a eu du revirement. Il y a eu du revirement là sur Néné, là, c'était. Faire des choix et puis finalement revenir et puis suivre un peu. Là, c'est vrai que elle a fait confiance Alors, si je me à Erin. permets, enfin, en tout cas, là, dans l'évolution de ton personnage au cours de la campagne, je pense que j'interviens, puis je pense que c'est après à Thomas. Ton personnage, il a commencé par être dans la campagne dépressif, très noir, puis lumineux quand Erin est devenue plus sombre. Et là, depuis deux, trois épisodes, ressombre. Et là, effectivement, tu étais. T'as choisi de fuir en Autriche quand il fallait passer en Suisse parce que tu voulais pas porter Shum-Ni-Gurath en Suisse et nous mettre tous en danger. T'es resté en arrière alors que Erin a dû se mettre en avant alors qu'elle n'avait pas spécialement envie. T'as suivi parce que c'était aussi effectivement la courbe logique du personnage, là, comme t'étais, qui était à l'inverse. Oui, terrible. Du jour et le jour et la nuit hein, sur nos personnages et aussi sur leur cycle. Et donc, effectivement, c'était Aérine là, d'aller vers l'avant, alors qu'elle n'avait pas spécialement envie, vu ce qu'elle avait traversé dans le deuxième tiers de la campagne. Attends, est-ce que je peux faire un tout petit chassé croisé là, sur Néné? Je voulais juste m'assurer d'une chose, parce que grosso modo, effectivement, dans ce scénario final, l'un des PJ en fait se retrouve à devenir un portail pour Shub-Niggurath, avoir la possibilité de laisser rentrer Shub-Niggurath littéralement en Suisse, quoi. Et en toute logique, c'est le personnage qui a le plus de connexion avec la magie noire qui devient ce portail. Donc c'était en fait la logique narrative voulait que ça tombe plutôt sur Néné, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que en milieu de scénario, en fait, Néné décide d'abandonner tout le monde, de pas aller en Suisse parce que le poids d'être un portail de Shub-Niggurath, enfin, tu voulais pas exposer les autres. Et en fait, il y a un PNJ qui est venu qui t'a rattrapé et puis qui t'a admonesté, qui t'a dit de revenir, donc qui est Zéphiroth, hein, ton ombre. Je voulais juste m'assurer que tu t'es pas senti forcé, quoi, de revenir. Enfin, en tout cas, il y a un moment, j'ai quand même redit que, en fait, oui, le PNJ, lui, il voulait que tu reviennes de toute force, ce qui me paraissait logique, mais que après, en tant que joueuse, tu avais le droit de dire non, non, je Ah ouais, continue sur j'ai ma fait. lancée, quoi. Si, je me suis sentie un peu obligée, mais c'est avec ce qu'a dit Sephiroth. En effet, Oui, quand. je veux savoir que tu t'es pas senti obligé par l'EMJ, Non, quoi. Ouais. mais vraiment par. Ces arguments, quoi. Ouais, il y a les arguments qui ont vraiment touché parce que c'est quand Erin a dit à Néné qu'elle l'aimait. Que je me suis dit, le personnage, vu qu'elle m'aime, il faut que je parte, en fait. Ah, Puisque. mais je pense que j'ai loupé ça. Vous avez dit ça à un moment donné, je pensais. Ça, Ah, je sais pas, je crois j'ai... pas. Non, Je crois pas, non, non. t'étais là. J'étais là. Ah, il y a eu une déclaration. J'ai dit non, Ouais. non, Alors, non. c'était tout en douceur, hein. C'était Ah, ouais. c'était Eh pas genre ben, la grande déclaration comme ça. Ça glissait comme c'est ça. passé sous mon radar. Après, tu l'as redit Genre normal. quand tu t'es fait draguer en Suisse, tu l'as redit. Oui. Mais j'avais pas capté que, en fait, tu avais fait une déclaration avant. Ok. Et du coup, c'est là que je me suis dit qu'il fallait que Néné voilà, prenait sa décision. Ben non, faut partir. C'est justement parce qu'elle l'aime et que en fait, elle l'aime aussi. Ben, si elle l'aime, elle doit être assez forte en fait pour la laisser. Mais en fait, les arguments de Zéphiroth ont vraiment mis en avant du coup toute la douleur. Que ça provoquait en fait de l'autre côté. Donc du coup ça l'a fait revenir. Si on peut s'expliquer sur notre choix final, donc, Oui. du coup on a un petit peu, voilà, on a un petit peu discuté avant cette finale entre Erin et Néné, et on se doutait bien que de toute façon c'est dans un sens ou dans l'autre, et qu'on s'est dit soit effectivement il faut qu'on fasse ce qu'on s'était juré dès la première session, et puis qui s'est renforcé au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on ne se quitte pas et qu'on reste ensemble. Et qu'on assure la mise en sécurité à la fois De nos proches. de nos proches, de Juliette, de Zéphiroth, Et les filles, on est présent. Les filles du docteur Montréal. Quitte à ce que, effectivement, ça soit compliqué après, parce que Zéphiroth, c'est quand même une Orla. Bah, chacune d'entre Et. nous. Mais que de toute façon, voilà, on protège. Ceux qui nous sont proches. On s'est dit, si on se casse et si ça se termine en baston et que, comme d'habitude, on fout le feu et on traverse l'épreuve en perdant des proches, parce que c'est comme systématiquement ce qui nous est arrivé, ça ne règle rien. Et ce qu'on s'est dit, et ce que je pense Serena a ressenti lorsqu'il y a eu l'hiver nucléaire d'annoncer, c'était que de toute façon, le problème que les sages pensent résoudre, c'est un faux problème. C'est une fausse solution plutôt. C'est-à-dire que du coup, il vitrifie le truc, il balance des pouces dedans, sauf que qu'est-ce qui reste au milieu du centre, une orla et Shub-Niggurath. C'est-à-dire que du coup, dans 4 ans, on ressort. Donc le problème n'est absolument pas réglé. On se fait une pause de 4 ans. Oui, et du coup, c'est ça. Donc nous, on choisit la pause de 4 ans. Pendant ces 4 ans-là, dans lesquels il est possible que Erin meure, parce que c'est une chorale qui a une vie de durée courte, on choisit les 4 ans de pause. Ça sera de toute façon la merde dans 4 ans. C'était soit la merde tout de suite, soit la merde dans 4 ans. On choisit la pause. On savait très bien que c'était une pause temporaire. C'est possible que ça pète avant. Mais de toute façon, on repart dans 4 ans, et dans 4 ans, Shub-Niggurath nous mettra des bâtons dans les roues. Mais alors, on s'accorde une pause de 4 ans, parce que c'est notamment ce qu'a dit... je cherche un prénom. Ancoli, Ce qu'a dit Ancoli, est-ce qu'on reste ici pour toujours? Je me suis dit, il faut qu'on leur offre... Une perspective, quoi. Une perspective. Pendant les 4 ans de vitrification de la planète et d'hiver nucléaire, j'espère que, excusez mon vocabulaire, Shub-Niggurath, il va la fermer un petit peu, parce qu'il aurait bien bobo, et que quand on pourra sortir, effectivement, il va se remanifester, et que de toute façon, on va de nouveau avoir un problème moral dans 4 ans. Mais, d'ici là, nos proches sont à l'abri. C'était ce qu'on s'est toujours promis, donc on a choisi de les mettre à l'abri. Ah oui, c'est vraiment la solidarité chaude. Ouais. En premier lieu, par rapport à la solidarité froide. De toute façon, je me garderai bien d'émettre le moindre jugement moral sur les décisions. Même si t'en as. Bien sûr, bien sûr. J'ai un jugement. J'aimerais que, du coup, si vous vraiment vous avez des retours plus précis sur la partie là, en l'occurrence. Mais à moins, voilà, sauf si vous avez des remarques à faire encore sur la partie, j'aimerais qu'on refasse un survol de, comment dire, quelles sont vos impressions sur la campagne en global, comment ça s'est passé pour vous, quoi. Sur l'ensemble, on a vécu beaucoup, beaucoup de choses avec ces personnages. Ouais, on a dû faire, je sais pas, les comptes, mais... d'avoir une douzaine de scénarios, je pense qu'on a fait une quinzaine de parties, tout ça. On a commencé en 2023. Ouais, avec un laïus de 2 ans, on n'a pas joué pendant 2 ans. Je vais parler. Il y a deux points de vue, le personnage et puis le joueur. Ouais, ça va m'intéresser parce que. Comment? Quand vous jouez, vous êtes quand même très très RP. Et du coup, j'ai pas trop accès en fait à vous en tant que joueur, quoi. Donc ça m'intéresse aussi quand même. Voilà. Vous, comme vous l'avez vécu vraiment IRL, quoi. Hein, pas que les émotions des personnages, quoi. IRL. L'impression systématiquement d'être entre Karim et Scylla, que tout choix est une décision de merde, que en fait, systématiquement on perd des proches et que quels que soient les choix qu'on fasse, c'est des choix douloureux, dramatiques. Donc on sent bien l'ambiance dramatique de l'univers de Milvaux et que tu te dis que quand tu t'installes à la table, c'est parce que. Tu vas t'en reprendre une. Ah, si tu viens pas là pour faire du pipou ou faire de l'héroïque, c'est que voilà, tu vas encore te dégrader un peu plus. L'idée au bout de la session, c'est comment tu t'es dégradé. Et peut-être même pas de combien. C'est comment est-ce que tu t'es dégradé. Moi, j'ai vécu, si je refais un peu un retour en arrière, il y a des moments où je me sentais plus ou moins proche d'Erin. Quand elle est devenue un peu très très très obsédée par les goupilles au point d'en torturer certains par la sorcellerie, etc. En fait, elle est devenue un petit peu monomaniaque, et là du coup elle avait moins d'intérêt, là, pour moi. Mais c'était effectivement une prise de distance entre elle et le personnage, parce qu'elle était voilà, un peu soumise à d'autres forces qui faisaient que je la perdais. Petit coup de bol, sans que ça soit concerté avec eux, etc. J'ai pu la récupérer un peu derrière, parce que je préfère ce personnage un peu positif, même s'il y a beaucoup. Voilà. Et en tant que joueur, ouais, de la retrouver avec ses fondamentaux, de voir qu'entre nous, effectivement, c'était forcément un yo-yo permanent par rapport à la dynamique qu'on avait. Certaines caractéristiques de notre couple et de la vie de tous les jours, c'est-à-dire que j'ai retrouvé tout à l'heure avec Zéphirotte, c'est quand je lui dis un truc, elle n'en tient pas compte, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui lui dise pour que finalement ça me donne raison. Voilà, donc voilà, Bah, pour être un peu plus précis, parce que c'est vrai qu'on a pas mal insisté sur le fait que c'est, enfin, t'as pas mal insisté sur le fait que c'est une campagne très dure et c'est le cas. Hein. Peut-être pour, enfin, pour rassurer ou pas d'ailleurs notre auditoire, c'est est-ce que c'est quelque chose en fait que t'as bien vécu dans le sens où est-ce que ça valait le coup de jouer comme ça, même si justement c'était très dur dans la fiction, quoi. Alors, oui, ça valait le coup de le jouer comme ça. Une fois qu'on passe Noirmont-Ferrand, cher auditoire, ça va bien. Enfin, ça va bien. Ça ne peut pas être pire que Noirmont-Ferrand. Voilà, je pense que Avec les écorcheurs, ouais, c'est un peu. les écorcheurs, à la poursuite des écorcheurs, enfin, le siège de Noirmont-Ferrand 1 et 2, à la poursuite des écorcheurs, il y a tout un passage qui a été pour le personnage. Hein. Et en tant que joueur, ouais, enfin, je l'ai vécu fort, intensément, c'était cool. Mais waouh, le siège de Noirmont-Ferrand, ça fait mal. Et le reste, en fait, une fois qu'on a fait Noirmont-Ferrand, on tombe dans une autre dynamique. Il y a d'autres dynamiques avant Noirmont-Ferrand, il y a d'autres dynamiques après Noirmont-Ferrand. Je pense que c'est Noirmont-Ferrand qui, à un moment donné, est un des climax Ouais, du puis jeu. même, c'est vrai qu'en plus, je vous ai fait démarrer avec le premier scénario. Ce qu'on peut Oui, démarrer. En fait, il y a c'est trois vrai que scénarios ça. possibles pour démarrer. Et je vous ai fait démarrer avec le Ouais. plus dur, Ah, quoi. Et il puis, était dur. donc, l'intro, en plus, c'était vraiment hardcore, quoi. Ouais, avec du recul, la fin du premier scénario, elle m'a bien marqué. Oui, c'est ça, Je, oui. ça m'a. Par contre, je dirais que moi, j'ai eu une évolution. Je trouvais qu'on était très RP. Moi, j'ai vraiment l'impression, en effet, d'être très RP dans les premiers scénarios et là où on prenait vraiment le plus de claques dans la figure. Le personnage en prenait plein. Et du coup, bah, en tant que joueuse aussi, ouais, t'encaisser, ouais, c'est vraiment des choses dures, quoi. Après, moi, j'ai jamais vécu des choses comme ça en jeu. Et du coup, je suis contente aussi de l'avoir expérimenté. Mais c'est vrai que c'était violent, des fois. Et par contre, j'ai trouvé qu'après, c'est peut-être aussi les évolutions du personnage faisaient que je pense que j'ai davantage mélangé à la fin mes propres réactions de joueuse avec le personnage. Je trouve qu'à la fin, j'ai un peu plus glissé vers en faisant des choix que moi j'aurais pu faire plutôt que mon personnage. Ça, après, voilà, ça a évolué comme ça. Bah C'était après, pas c'est forcément choisi-choisi, plutôt aussi un signe mais. que. Bon, alors il y a une théorie, je sais pas si elle est généralement vraie, mais il y a une théorie qui est intéressante dans ce qu'on appelle le jeu de rôle moral, hein, ce qu'on a fait, des jeux de rôle avec des dilemmes moraux. C'est que ça s'appelle la spirale vers soi. Ça théorise qu'en fait, au début, on a tendance à incarner un personnage qui est très éloigné de nous. Et en fait, à force de jouer, notamment en campagne, et à traverser des épreuves morales et tout, il y a vraiment un rapprochement qui se fait entre toi et ton personnage. Et puis après, également, bon, à nouveau, c'est de la psychologie de comptoir, mais comment. Il y a un moment, Dédé, elle traverse vraiment un arc très noir où elle devient vraiment froide et tout, et violente. Et en fait, au bout d'un moment, enfin, bon, elle se réhumanise. Enfin, elle se réhumanise d'ailleurs en perdant son humanité, parce qu'elle va devenir une Korax. Tout à fait. Ça qui est drôle. Ouais. Et du coup, je pense que c'était assez logique que pour accompagner cette réhumanisation, bah, en fait, simplement, tu injectes de toi, en fait. Parce que fatalement, quand elle est dans son arc où elle est dure et tout, elle est blindée, bah oui, c'est le moment où elle est le plus éloignée de toi possible, quoi. Et donc, ça paraissait assez organique et naturel que quand on réaccompagne le fait que Néné, ouais, voilà, se réhumanise, quoi, elle se rapproche de toi, et je pense qu'il y a ce passage très symbolique où elle est initiée à la sorcellerie, et c'est par le biais de traverser une rivière et tout. Et donc, je pense que ce moment, il est vraiment charnière dans son parcours. Et voilà, entre guillemets, je pense que bah, le personnage, il a traversé la rivière qui l'a séparé de toi, quoi. Et donc, elle a nagé jusqu'à toi et vous êtes rejoints de l'autre côté de la rive, quoi. Alors du coup, je sais pas ce que je dois en conclure sur la personne que je suis avec le choix qu'on a fait à la fin. Je sais pas. Alors, J'ai rapproché. Comment vais-je dire? Je n'aurais peut-être pas fait le même choix en termes de morale. Si Erin, enfin, quoique, Erin, elle avait la volonté de protéger ce qu'elle Ben, c'est ça, a donc on a compris. fait. Et vu que dans le tas, il y avait des goupilles, En effet, bon, est-ce qu'on je serait pense qu'il capable y a un peu de goupilles, j'ai peut-être fait un de choix différent. sacrifier l'humanité pour sauver ta famille? Vous avez 3 heures. Ou est-ce que en fait, tu es capable de sacrifier ta famille pour sauver l'humanité? Oui, c'est vrai que pareil, ça se résume. C'était ça, ce choix final, je Énorme pense. dilemme du tramway. C'est chaud. J'avais une question, Thomas. De cette campagne, le passage culte. Ouah, ça va être dur. Ça va être Un truc dur. différent. Ouais, ça va être beaucoup de choses. Bah, je pense que moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les moments charnières. Donc, il y a le moment où Néné passe la rivière, quoi, s'en éteint. Et puis, il y a le moment où toi, tu te fais capturer par les écorcheurs, quoi, Erin. Et je pense qu'elle a aussi, c'est un moment de bascule, bah, plutôt dans l'horreur, quoi, pour le coup. C'est le moment où l'histoire d'amour avec les goupilles atteint son La vache, ouais. apex. C'est vrai que c'est des moments forts. C'était des. Et plus globalement, moi, ce que j'ai particulièrement apprécié avec cette campagne, donc, moi, c'est la. Vous êtes le troisième groupe avec qui je fais jouer la campagne dans son intégralité. Après, j'ai fait jouer tous les scénarios en one shot. Donc, il y a des scénarios que j'ai fait jouer que en one shot qui n'ont jamais été joués dans la campagne. Bref. Et ce qui était vraiment plaisant avec vous, bah, déjà, c'est le fait que. On soit que nous trois, quoi. Ça crée quand même une intimité qui est précieuse, et on peut vraiment aller dans la profondeur des personnages, quoi. Donc, c'est vrai que moi, c'est devenu ma zone de confort, hein, clairement. Bah voilà, jouer avec le moins de monde possible, et puis bon, bah voilà, avec des amis, c'est quand même mieux aussi. Voilà, c'est sûr qu'on peut vraiment aller dans les thématiques. Et l'idée, c'est que on a pu installer, j'ose espérer, vous me direz, mais on a pu installer un climat de confiance, notamment, bah, je crois qu'il n'y a jamais eu de sécurité émotionnelle qui a été utilisée. Non. À part, finalement, il y a eu quelques moments où on a lancé les dés, mais c'est pas non plus un dispositif de sécurité émotionnelle à part entière, parce que si tu lances les dés et que tu rates les dés, c'est encore pire que. Donc, c'est pas forcément safe de lancer les dés. C'est plus un quitte tout double. Oui, ça. Donc, je pense qu'on a réussi à jouer. Enfin, vous me contredirez, hein, si je me trompe, mais on a réussi à jouer, voilà, en confiance, hein, alors que on est quand même sur des thèmes ultra ultra durs. Je pense que c'est voilà, on s'est accompagné en tout cas dans des zones très très grises, voire très noires, quoi. Donc ça, c'est chouette. Mais oui, non, oui, en confiance. Ouais. Oui, non, j'ai pas eu le sentiment à un moment que t'allais m'emmener sur un endroit où j'avais pas envie, où j'étais pas prête à aller. Au début du jeu, on avait la carte X. Il me semble qu'on avait tout le temps important, on avait la carte X qui était présente sur la table. Moi, ça fait très longtemps qu'elle n'est plus. Bah non, parce qu'en plus c'est déchiré, j'ai plus de carte X, mais bon, il y avait toujours possibilité quand même de carte X, Oui, c'est même si ça. la carte X n'est pas là, quoi. Et puis, sur la sécurité émotionnelle, il n'y a pas eu besoin. Je pense que le moment, je parle pour moi, je ne sais pas, où c'était plus dur, c'était effectivement les écorcheurs qui capturaient Rim. J'ai pas passé un bon moment. Alors, rétrospectivement, cinématographiquement, oui. Le fait de jouer, non. Mais on n'a pas. Voilà, les GD étaient là pour marquer la dramaturgie de l'héroïsme. C'était uniquement ça. Et je pense que c'était à peu près que de la bagarre. Ça Oui, doit je crois qu'il me semble être penser. c'était essentiellement sur de la bagarre. Ça. Donc, non, pas de recours à d'outils de sécurité émotionnelle que qu'on a évoqué. Et puis, effectivement, le fait de jouer en petit comité a permis d'incarner les personnages tout du long. Après, effectivement, avec plus ou moins de distance par rapport à ce qu'ils devenaient au fur et à mesure, certains chemins qu'ils ont pris, on avait parfois des mal à les suivre, à comprendre ce qui leur arrivait. Et nous adapter aussi à leur consommation. Il y a des scénarios où, si on reprend le fil des différents podcasts, toi comme moi, tu rien, on a eu à un moment donné des distances où on a été, je vais pas dire muet, hein, mais il y a quand même des aventures où on a été un peu, chacun notre tour, hein, absent. Parce qu'effectivement, le personnage, il venait de se faire enchaîner le scénar d'avant, complètement Oui, effondré sur c'est lui, vrai. le temps de se reconstruire. Ah ben, j'ai passé mon scénar à me reconstruire intérieurement. Hein. C'est J'ai ça, pas dit ouais, tout grand-chose à et fait. il y a eu des scénarios un peu de Ouais, c'est récupération pour vrai. chacun d'entre nous. Et c'est aussi pour ça que la campagne, elle est découpée, je pense, de façon et non pas en manière rushée, parce qu'il faut aussi que les personnages récupèrent de leur consommation respective. Et je trouve ça assez intéressant de se dire, effectivement, quand tu joues Ouais, à c'est ça, à la 4, limite, ce serait pas une campagne à jouer un épisode par semaine. non, je pense qu'il Ouais. faut, il faut, il faut du temps Ouais. Pour digérer, ouais. pour digérer le personnage, relire ses notes, etc. Et dire, attends, dans quel état d'esprit il est? Et comment Et est-ce qu'il encaisse les choses? Parce puis oui, il y a que. beaucoup de choses qui leur arrivent, et du coup, ouais, à jouer rapidement, je trouverais ça encore moins facile, parce que c'est vrai Je pense qu'il que si tu joues trop rapidement la campagne, avec un rythme trop effréné, en fait, tu te blindes. C'est-à-dire que ton y a. personnage devient un robot, Sensible. insensible, et tu rejoins la corde de PNJ, en fait, qui ne souffrent pas, mais ne font qu'obéir à certaines puissances sur lesquelles ils ont décidé de miser pour Ouais, c'est pouvoir ça. survivre dans l'univers. Alors que là, effectivement, on te demande de faire des choix moraux, donc de conserver ton libre arbitre. Donc si tu vas trop vite, peut-être que tu peux vouloir survivre en te blindant émotionnellement. Et si tu te blindes émotionnellement, bah, Bah, c'est moins t'as moins de intéressant. drama. Ouais, Donc, bah, c'est sûr. oui, c'est ça, bah. Ouais. Enfin, c'est typiquement le genre de campagne où, comment dire, si je vous atteins, enfin, si ça vous atteint pas en tant que joueur, enfin, s'il n'y a pas de bleed, pour dire les choses techniquement, ça n'a pas intérêt en fait. Le but, c'est pas d'utiliser son personnage comme bouclier pour gagner le scénario ou quoi. De toute façon, les scénarios sont ingagnables. Et bah ouais, clairement, le but, c'est de ressentir des trucs, quoi. Hein. Alors, pas uniquement que de la. Alors, peut-être. J'espère pas uniquement que de la souffrance morale, j'espère aussi qu'il y a quand même. Vous allez me dire, hein, qu'il y a quand même aussi un plaisir d'ambiance, d'exploration. Aussi, je pense, de RP quand même, des fois, relationnel avec certains PNJ, Ah bah, que Juliette, j'espère. enfin ouais, Voilà, Juliette, c'était quand sont. même quelque chose, hein. Comment il s'appelait notre gamin garou là? Blaze. Blaze. Oui, Blaze, c'est par ça. contre, a été un essai. Il a payé, quoi. Voilà, parce qu'il y a aussi une promesse d'exploration de Ouais. l'univers. Alors, sur l'exploration, je sais pas. Dans d'autres jeux qu'on a fait ensemble, on était davantage dans l'exploration, dans les temps. Là, je trouve qu'en termes d'exploration, on était plus dans le fait d'être bousculé, alors notamment les écorchés, etc., qui poussaient. Ah, c'est une façon de découvrir C'est le ça monde, qui hein. poussait au cul, donc du coup, tu n'avais pas le temps de t'émerveiller sur oh, comment c'est quand c'est joli, ou c'est bizarre, ou c'est. T'es plus dans le rush. Dans d'autres aventures qu'on a jouées avec toi, effectivement, Oui, davantage ce que tu veux dire. Davantage voilà sur, quand je dis émerveillement ça reste horrifique hein, donc c'est mais voilà. Par contre oui, d'un point de vue RP avec des personnages tous du point de vue des rimes, je pense qu'à un moment donné aux deux tiers de l'aventure, je pense que le RP avec les autres personnages et je pense que c'est ce que j'ai marqué là, j'en ai plus rien à foutre, dans mes notes. C'est limité, ouais. Je pense qu'à un moment donné, c'était limité, parce qu'effectivement, ils étaient tous en train de me gonfler avec leurs problèmes, tout ça. Leurs problèmes, qui n'en étaient pas, et... Ah, faut me comprendre tout ça, mais j'en ai rien à foutre, enfin... Donc, Erin, voilà, sur et ce que j'ai retrouvé effectivement dans le scénario d'aujourd'hui, c'est effectivement Erin se réintéressait aux gens. Alors, c'était stratégique, hein, mais elle allait vers eux de manière positive, alors que c'était un peu plus mécanique dans le dernier tiers. Mais ouais, c'était. Après, le côté exploration, je trouve qu'on l'a eu quand on était poursuivi là, quelque part. Tu sais, qu'on est tombé sur. Il y avait le village, les Essarts du Puy. Il y a eu la roulotte. Là, je trouve, ouais, là, ça faisait peut-être un peu plus exploration, même si on était sur de la fuite, hein, mais il y avait aussi sur le côté exploration du monde, j'ai trouvé que ça s'est plutôt bien ressenti. C'est ça, oui, une idée quand même de varier les environnements. Ouais, alors, c'est peut-être enfin, les rencontres d'autres communautés, etc. Ouais. C'est peut-être le prisme d'Erin. Alors, je ne veux pas non plus caricaturer le personnage, hein, mais je pense qu'à un moment donné, dans sa tête, c'était à qui ce tour-ci, il faut qu'on pète la gueule pour pouvoir avancer. Et que le côté touriste de Milvaux, je pense qu'elle ne l'avait plus. Ouais, bah, oui, c'est vrai. De toute façon, je pense que... Moi, je vous ai senti très investi dans les personnages, quoi. Donc, forcément, ça va influer sur votre façon d'appréhender le jeu, quoi. Mmh. Si le personnage, effectivement, il pense surtout à sa survie et tout, et à sauver les meubles. Oui, le côté immersion, tout ça, c'est même pas... c'est pas forcément ce qui est la priorité première, quoi. Moi, je trouve qu'il a bien fonctionné un moment. Puis après, ouais, bah, bon, les derniers scénars, on nous disait, on a rien. Du coup, il y a forcément un loup, il n'y a aucun espoir que ça fonctionne. Où est-ce que sa mère, tu vois, oui, le jeu était de trouver. Ah, tiens, il est là. Oui, l'arnaque. C'est ça. Et puis, bah, comment on s'en sort avec le moins de casse possible, mais où clairement on ne cherche même pas à essayer de sauver qui que ce soit. Quoi. C'est peut-être ça, effectivement. On sauve notre peau. C'est peut-être ça, effectivement, dans le dernier tiers. Avec les scientifiques, donc, avec dans le bunker. Je pense que c'est là le déclic où tu te dis, ça y est, en fait, là, à un moment donné, il faut que nos personnages se blâment moralement, et que de toute façon, vous n'avez que des choix pourris à nous proposer, et qu'on a enchaîné plusieurs scénarios derrière qui fait qu'on a un peu réagi de cette même façon. Les Amazonardes aussi. Les Amazonardes, etc. Où, je vois Erin, effectivement, qui pense que c'est déjà plié et qu'il n'y a rien à faire. Et que effectivement on retrouve une certaine liberté d'action là, dans ce scénario-là. C'est-à-dire que du coup, on donne un choix magique. Enfin, magique. Surpuissant. On pouvait l'aligner. Contre hiver nucléaire. Là, du coup, tu te retrouves effectivement avec des cartes en main où tu peux changer la donne. Alors que dans le dernier tiers, tu te rends compte que tu ne peux pas changer la donne. Et donc, peut-être que le dernier tiers, mais tu nous diras si c'était fait exprès ou pas. C'est que du coup, en fait, on est frustré parce qu'on ne peut pas changer la donne. Et dans le dernier épisode, on peut la changer. Mais c'est un choix. C'est le big choix, quoi. Alors, pour la petite histoire, c'est la fin en Suisse, je pense que c'est sans doute la fin qui est le plus comme ça. Les autres fins, je pense qu'on part autant sur un choix méga impactant. Je ne les ai pas toutes en tête, mais c'est vraiment la Suisse où c'est le truc le plus, effectivement, impactant, énorme et tout. Ça finit toujours sur un choix, hein, mais... effectivement, là, on est vraiment... Du coup, peut-être que c'est bien que vous soyez là-dessus par rapport à ce que vous recherchiez, ouais. Et puis, en tant que joueur... Si, tu parlais des émotions qu'on avait en venant autour de la table. Je pense que... J'ai eu l'image tout à l'heure, quand tu as posé la question. C'est une rêve de vieux hein, que j'ai avancé, mais j'ai l'impression d'être dans la série Urgence. C'est-à-dire que du coup, c'est tout le temps la merde. Et qu'effectivement, c'est ce coup-ci, qu'est-ce qui nous arrive? De toute façon, on est dans l'univers du Milvaux, ça va mal se passer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que nous amène sur. Voilà. Il va falloir encore qu'on sauve. Et on ne pourra pas sauver tout le monde. Ah, c'est vrai qu'on a eu les sept filles. Je me suis dit, ah, ça y est, on en a sept d'un coup, mais ça va être un massacre. Quand est-ce qu'on va les perdre, quoi? Ah, ça va, vous avez pas perdu. Mais non, on les a toutes. J'ai eu un peu peur que ce soit ça. Et puis on est content, je pense, en tant que joueur, d'avoir surpris aussi sur la fin. On est content de ta réaction à la fin. Ah oui, je n'allais pas venir du tout. Hein. Pour moi, c'était le choix. Généralement, je choisis toujours de libérer Choumigorateur. Ça me faisait peur aussi de lâcher Choumigorate, ça allait me faire mal aux fesses. Hein. Ouais, j'avais essayé de foreshadow que, en théorie, tu survivrais au fait de libérer, quoi. C'était. On est parti un peu du principe que ça allait être compliqué si on lâchait que je survive. Ah, puis j'avais promis. Ah, ok, alors ça c'était my bad, entre guillemets, parce que du coup ça influe beaucoup, je crois. Oh, pas si j'avais forcément. laissé non, plus parce que. comprendre ah non, faut que, pas. Non, que c'était entre guillemets, qu'il y avait moyen de s'en échapper. Ouais, parce que non, mais. Il me faisait vraiment peur, hein. On avait déjà rencontré Choumigorate, et puis là, oui, Mars, tu me donnes ton âme, je te donne plus de. On l'avait fait le truc, hein, déjà, donc il se souvenait de nous, il a notre numéro de téléphone, il nous trace, donc on sait qui c'est, il sait qui c'est on pas est. Le seul à avoir ton numéro de téléphone. C'est ça. Et donc, au lieu de nous consumer, au lieu de te consumer peut-être physiquement, il y a sans doute un moyen de s'arranger avec. Mais oui, Erin n'avait pas envie de s'arranger avec, donc de toute façon, elle t'aurait crevé la c'est paillasse. Ça, bah, t'avais dit. Oui. Et je t'ai remercié pour ça. Et donc, voilà, c'était. Je t'aurais tué sans aucun problème. Ah, Pas sans problème. c'est ça, ouais. Je. Tout à fait. Donc, le fait que tu n'influences. Enfin, tu vois, que tu n'influes pas plus dessus, c'est pas grave, on l'a joué comme on a voulu jouer. Ok. Ouais. On s'est pas sorti forcé de jouer dans un sens ou dans un autre. Ouais, bah ça c'est le plus important. Parce que je pense que tu m'aurais dit oui, mais alors si je le sors, si je fais toc toc, est-ce que t'es là? Est-ce qu'il va me discuter? Non, Ah ouais, parce non, que. ouais, Je voulais surtout pas voir sa mais gueule. on avait vachement peur, donc. Et ouais, Bah ça m'a j'ai. vachement rassurée Quand je t'ai dit ça? quand t'as dit, mais t'inquiète pas, en fait, si ça déconne, en fait, je te tue avant. Ouais. Mais C'est super. vrai que c'est les mots qui rassurent. C'est ça. Oui, alors, Il y a le contexte. Hein. Y a ce que Irine a pu dire, puis il y a ce que Irine peut faire. Hein. Voilà. Bah ouais, bah je t'ai cru quand même. C'est déjà pas mal, ça fait déjà un bon gros retour. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter, je pense qu'on peut se laisser Merci. là-dessus. Bah, encore C'était une sacrée campagne, quoi. Ouais, je pense qu'on Merci peut beaucoup, c'était se super. remercier d'avoir joué ensemble. Ce temps. Et puis, à bientôt pour de prochaines À aventures. bientôt. Au revoir. Likez, abonnez-vous.